Je vais lancer tout de suite la chronique de Anouk Janton qui s'est promenée hier et avant-hier dans le festival et a enregistré tout un tas de choses, dont les bénévoles, qui ne sont pas des choses d'ailleurs, parce que j'ai dit enregistrer tout un tas de choses. Voilà, donc on va enfin entendre tout ce florilège de personnes qui sont méga nécessaires dans un festival comme celui-ci. Et merci d'être là et bonne écoute. Salut. Vous êtes bénévole, c'est ça? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe à votre poste aujourd'hui? Pardon, j'ai pas vu, mais... Qu'est-ce qui se passe à votre poste aujourd'hui? C'est quoi la mission? On sert là aujourd'hui. Ok. On sert. Il y a une manière de le servir. Il y a une espèce de petit protocole. Oui, on essaie de partager l'état. Mais pour le moment, c'est assez calme. Et on va voir si après. Parce qu'il y a 14h grand maximum, d'accord. Ouais. C'est un peu l'état ? Okay. Oui, trop bien. Ok, ça marche. C'est bien comme ça. Il y a quoi manger ? Alors, on fait ça. Et avec chili, con carne et sang. Sin carne. Avec une précision, vous pouvez aussi nous dire, et comme ça, on réserve par des assiettes. Ça a l'air répétissant, ouais. Manger plus tard. Ah oui, d'accord. Alors, si vous savez que avant 14h, en fait, on sait, ouais, on sait pas trop encore, mais si je vois que le temps passe, ça c'est mieux. On a tout amélioré comme ça. Anakai, ça je vous reconnais. Ah ouais. On se connaît. C'est intéressant de changer de, ouais, voilà, de casquette. Ouais. Alors, moi, voilà, merci. Hier tu étais avec Insupolitopie en train de égrainer, vanner, oui, moudre du pain, jouer de la viole de gonde. Aussi du travail, mais différents travaux. Mais il y a des similarités avec ce qui se passe aujourd'hui pour la mise en place du repas. Le fait de servir le repas, il y a des similarités avec l'expérience d'hier. Mais oui, il faut... Je veux bien en place. Vous savez, Ah oui, j'ai pas vu. Moi, je suis pas encore... C'est le fameux bracelet noir qui donne accès à tout un tas de choses. C'est ça. La pépite du festival. Tout à fait. Je connais pas tout le monde, alors. Pas de problème. Désolée d'avoir dérangé. Je l'avais pas vu. Aucun dérangement. Tout est bien. C'est mieux, mais... Des gestes précis, je vois. Anna, c'est ma première expérience de bénévolat à Archipel. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a fait envie dans le fait de participer aussi à Archipel? Bah justement, essayer de différents postes, états. Festival, j'aime bien que cette idée que tout le monde fait un peu tout, ouais, changer. Ouais. Comme je suis en tout cas là, je pense que c'est intéressant. D'abord, je voulais aider pour les billetterie. Mais après, ils m'ont dit que je ne peux plus aller écouter les concerts. Non, je ne peux pas faire ça. Alors, c'est pour ça que je fais. Ça sert les repas. Mais... C'est comme un autre prisme, une nouvelle facette du festival. Oui. Ça fait quelque chose, ce changement de cette côté. De l'autre côté, de l'autre côté de la table. Mais oui. De ne pas être la personne qui vient se faire servir, mais servir du coup des prochaines personnes qui sont invitées ou qui travaillent pour le festival. C'est intéressant. Alors là, on est à midi, et puis à midi, il semble y avoir toute une effervescence et une vie là, dans le festival, avec des personnes qui viennent manger, des personnes qui sont venues répéter, d'autres qui sont venues pour la radio, des enfants aussi. Il y a tout un peu familial, convivial. Oui. Peut-être même une autre population que celle du soir. C'est sûr. La maison communale est en tout cas ouverte de midi à minuit. Est-ce que tu as envie de répondre à quelques questions? Oui. Oui, c'est une première expérience de bénévolat pour le Festival Archipel. Alors pour le Festival Archipel, oui. Sinon, j'ai fait d'autres choses comme bénévolat. Ok. Style palais au festival, jazz sur la plage. Comment est-ce que tu t'appelles? Julien. Et comment est-ce que tu as entendu parler du Festival Archipel? C'est par la pub sur les TPG. Ah oui, ok. Et puis j'ai entendu dire qu'ils recherchaient des bénévoles. Du coup, je me suis inscrit. Ok. Tu connaissais pas le festival en tant que public Archipel, non. Non, ok. Pas celui-là, non. Et dans le bénévolat, qu'est-ce qui t'intéresse? Dans le contact avec les gens, vraiment. J'aime partager. Après, j'aime la globalité en fait, en soi. C'est, recevoir, partager, aider au maximum. Est-ce que c'est aussi plonger dans des lieux où peut-être tu ne serais pas allé autrement? Non, alors enfin, ce lieu-là, je le connaissais, mais pas en tant qu'archipel. Parce que j'ai ma sœur qui avait fait un projet pour pouvoir avec son école ici, en fait. Et du coup, je connaissais déjà ce lieu-là. Mais c'est un lieu que je vois différemment maintenant. Et est-ce que ça t'a amené à te rendre curieux d'aller voir les concerts? Concerts, non, mais tout ce qui est infrastructure des artistes et tout, oui. Non. Des installations sonores? Exactement, ouais. Et il y a des choses que tu as aimées, je ne sais pas. Ouais, j'ai bien aimé le carré de Suzanne. Suzanne Boulay en haut avec le Bono. Ouais, qui était très intéressant. Et puis l'orchestre mécanique situé tout en bas qui est très intéressant aussi. Ah, ça, j'ai oublié son nom, mais ça va revenir. C'est Luthi. Voilà, Matteo Luthi. Vous avez mis un... Je te laisse, parce que là, je suis en train de me mobiliser. J'espère pourquoi tu es là. Mais merci beaucoup. Mais pas de problème, avec plaisir. Lui, il n'a pas donné. Il nous promet depuis deux jours de brasser, mais non, dans les jambes. Il faut. C'est très très beau en tout cas la couleur. Merci beaucoup. Je pense que ça sera délicieux. Merci. Je vais agrémenter le truc. Anna, merci. On aura peut-être l'occasion de se retrouver sur une visite ensemble. Ah oui, volontiers. Et voilà, c'était la chronique de Anouk Janton. Merci beaucoup pour d'avoir pris ce temps pour aller rencontrer les bénévoles du festival. Merci.